On voulait lire un petit extrait d'un joli livre qui nous a l'air très intéressant qu'on a trouvé, qui s'appelle 100% test pour nous les filles, avec des zéros en forme de cœur. Alors du coup avec Pamplemousse, eh ben on s'est vachement senti dans la cible quoi, enfin direct, c'est une couverture rose. Voilà, c'est aux éditions Lito. Et l'illustration de couverture, c'est par Marguerite Sauvage. Je trouve que son nom est sympa, à défaut de ses illus. Mais bref. Et du coup, il y a une rubrique, en fait. Il y a une rubrique, j'espère qu'on m'entend bien, dans ce 100% test pour nous, les filles, qui s'appelle Questions de filles. Genre, je savais pas qu'il y avait des questions qui étaient genrées, tu sais. Alors. Question de filles. Alors déjà, je parcours le texte, il n'y a pas de questions, donc je comprends pas trop, en fait, l'intitulé de la rubrique. Mais voilà, c'est des petits conseils pour des trucs de filles et quand tu te poses des questions. Pendant que vous vous embrassez, n'hésite pas à faire des pauses. Ça t'évitera de respirer bruyamment une fois qu'il se sera reculé. Bah oui, c'est sûr qu'en fait, quand t'es une meuf, t'as tellement de pression sur la tronche que même quand t'embrasses... un mec, à supposer que tu sois dans une relation hétéro, bah tu dois faire gaffe à pas respirer trop fort pour pas déranger le mâle en fait. Est-ce que je peux te couper, Nine? Ouais, bien sûr. C'est un peu comme le micro. Mais oui. À la radio. Grave. En fait, faut penser à respirer, sinon après on parle trop vite puis on fait des... Ça marche pour le micro, mais sinon. Mais complètement. En fait, je pense. Pour que... le reste, pour ce qu'il racontait, on s'en fout. Mais on pourrait être retranscrire en mode conseil radio. Nous, on pourrait mais faire oui. un petit tuto radio avec je ça. Je pense que c'est un bon tuto, mais que l'occasion indiquée est totalement ouais. pas la bonne, quoi. Non. Parce que écoute la suite. Pour éviter de vous cogner le nez, pense à pencher le nez, la tête sur le. Pense à pocher la tête sur le côté à l'opposé de la sienne. Bah oui, c'est valable pour un chromie aussi. Et avant tout, il faut dédramatiser. Mais c'est vrai ça, il faut dédramatiser la radio. Ouais, c'est le micro quoi, il parle du micro. Il faut désacraliser. Voilà, c'est peut-être un objet phallique, un micro, je vais bien croire, mais désacralisons quoi. Et pour conclure, avant tout, il faut dédramatiser. Ce n'est pas du baiser, enfin du micro en lui-même dont tu te souviendras, mais du moment magique qu'il symbolise. Tu t'es fait, c'est le symbole. Je suis très émue. Enfin, franchement, je serais tombée là-dessus à 12 ans, ça aurait peut-être changé le cours de ma vie. Et moi, je serais tombée là-dessus à ma première fois que j'ai pris un micro à la radio, ça aurait changé ma vie, quoi. Ouais, on aurait dédramatisé, on aurait pensé à respirer. Voilà, voilà. As-tu quelque chose à ajouter pour Pamplemousse? Non, je sais pas, il y avait pas d'autres pages que t'avais sélectionnées Alors, d'autres ouais, pages autre. Alors, j'ai pas 18 doigts, en fait. Parce que du coup, il y a des tests, mais il y a des tas de trucs. Alors, une nouvelle rubrique, questions de filles. Alors, à propos des garçons, leur odeur. Les garçons sentent plus facilement la sueur que les filles. C'est une question d'hormones et d'hygiène. Les garçons passent moins de temps que les filles dans la salle de bain. Leur look. Même s'ils ne cherchent pas tous à ressembler à des mannequins, les garçons sont sensibles à leur aspect. Le look symbolise une attitude, une personnalité, une classe sociale. Mais que lis-je? Que lis-je? Une classe Vive sociale! La classe. En fait, 100% test pour nous, les filles. Voilà, c'est un peu de la propagande révolutionnaire. Dans le même type de lecture, apparemment, il y a le magazine Public qui a fait toute une page sur quoi faire, quoi ne pas faire quand on est une meuf pendant la Coupe du Monde de football. Oui, j'ai vu. Et c'est ultra trash. C'est ultra trash. En fait, c'est les talibans. En gros, faut pas s'asseoir sur le canapé pendant les matchs, faut pas passer devant la télé, faut pas demander au mec de sortir la poubelle, parce que bon, c'est à peu près la seule chose qu'il fasse, apparemment. Et oui, c'est assez hallucinant. Faut pas détourner l'attention de ton mec et pas lui faire des avances. Érotique, sexuel, pendant qu'il regarde le match. Et proposer une partie de jambes en l'air seulement si son équipe a gagné et seulement après. Ouais, et d'ailleurs à ce propos, enfin c'est quelque chose que j'ai pu dire plusieurs fois, mais malheureusement c'est des études qui ont été faites et c'est complètement corrélé qu'en période de championnat en fait sportif, selon les pays, selon le sport qui est plus ou moins populaire, et ben dans les coins où l'équipe est perdante en fait, et que il y a énormément de mecs qui regardent les matchs, les championnats, ce genre de choses. Quand l'équipe perd, et ben il y a une corrélation en fait entre le nombre de défaites d'une équipe et le nombre de mecs qui vont être bourrés et qui vont battre leur compagne en fait. Et voilà, c'est même pas juste un simple constat qu'on peut faire par des témoignages individuels, mais c'est des choses qui se passent. Il y a des études, il y a des chiffres qui ont été recueillis là-dessus. Donc, quand on regarde la Coupe du Monde, SVP, on le fait en tout respect de chacune, chacun. Pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez vraiment envie de taper sur la gueule de quelqu'un après une défaite, vous auriez qu'à taper sur la gueule de Didier Deschamps, peut-être c'est plus adapté. Non oui, et voilà, tout à fait. Ou casser votre télé, au pire. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est bien que la Coupe du Monde soit en Russie, parce que niveau horaire, les matchs tombent en plein dans l'après-midi. Et si vous allez dans les magasins pendant les matchs, ben tout le monde a les yeux rivés sur un écran. Et là, bah pas l'écran de la vidéosurveillance. Je ne dis que ça. On dit ça, on ne dit rien. Relisez la brochure. La brochure. La brochure disponible sur infokiosque.net. Pour les gens qui nous rejoignent à cette heure-ci, parce qu'apparemment il y en a, vous pouvez joindre le chat en allant sur radio.antireb.net. Vous cliquez sur chat with us. Alors après c'est un petit peu en anglais, mais si vous cliquez sur le lien par exemple webchat.cyberguerilla.org, ça marche bien. Et là vous rejoignez le salon Diez Cayenne pour discuter avec les sympathiques auditeurs auditrices qui y sont déjà.